plaire à tout le monde. Nous ne sommes pas tous sur les mêmes ondes. On ne peut pas plaire. On ne peut pas plaire à tout le monde.